بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. طيب، عندك سي كوا لا ريبونس ا سو كي ديز ك الاستعاذة بالمخلوقين ليس بمنكر، كار لي جون يوم القيامة وستوني فالي أنبياء pour que Allah les soulage de leur détresse. طلب شفاعة. Même si c'est une isti'afa, qu'est-ce qu'on peut répondre également? Même si on dit que c'est une isti'afa, qu'est-ce qu'on peut répondre également? Et une autre réponse. Par rapport à l'isti'afa. Même on dit que khalas, c'est une isti'afa comme ils disent. On peut leur répondre également même à ça. C'était quoi la réponse? قلنا الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه جاهز. استعاذة quelqu'un qui est présent, qui est en mesure de le faire, c'est permis. Donc même si ça a été une استعاذة, les NBA étaient à ce moment-là présents, ils écoutaient, et ils étaient en mesure de faire dua auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les gens. Donc malgré tout, c'était pas le cas à eux qui eux font une استعاذة avec des amouettes. Des gens de l'Ekubur, qui ne peuvent pas entendre, qui ne peuvent rien faire, donc ça n'a rien à voir. On a dit c'est un qiyas qui est facile. طيب, nous voici. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهذه هي أنواع عبادة التي عرفناك ولا أدري هل فيهم من يسجد لهم ولا يستبعد أن فيهم من يفعل ذلك. Donc il dit ça, c'est parmi les gens de ibada qu'on t'a fait connaître, c'est-à-dire l'isti'afa, le dua que ces gens ils ont fait avec leur awliya. Et il dit quoi? Et je ne sais pas si parmi eux, certains ne sont pas arrivés jusqu'à se prosterner pour eux, pour leur awliya. Il dit, cela, c'est pas impossible qu'il l'ait fait parmi eux. بل أخبرني من أثق به أن وراه من يسجد على عطب باب مشهد الولي الذي يقصده تعظيما له وعبارة له. Il dit, des gens, parmi des gens, c'est quoi? Plutôt des gens en qui j'ai confiance, une personne en qui j'ai confiance, m'a dit qu'il a vu quelqu'un sur le seuil d'un mashhad, c'est-à-dire d'une tombe d'un wali, justement, se prosterner, tarziman lahu, en tarzim pour ce wali, et en guise d'adoration pour ce wali. Le verbe qasada yaksido, ici, souvent on l'entend, même moi, vous allez l'entendre de ma bouche, on dit qasada yaksudo, bidom asad. Et le vrai, c'est kasr, c'est yaksido. Mais on s'est habitué à dire yaksudo, tout le temps. Et le vrai, c'est yaksido, avec une kasra. Donc, comme si des fois, moi, je le dis yaksudo, j'ai été habitué à ça depuis le début, malheureusement. Ça a lahn, et une fois que tu es habitué au lahn, c'est dur qu'il parte. C'est yaksido. Mais tu vas entendre ici les gens dire tout le temps yaksudo. C'est ça. Alors en vrai, c'est yaksidu. Thumma qal wa yuqsimuna bi asma'ihim bal iza halifa man 'ali haqqun bi ismi Allah ta'ala lam yaqbal minhu wa iza halifa bi ismi wali min awliya'ihim qabiluhu wa saddaquhu wa kadha 'ibadu al-asnam. Qala ta'ala وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. Et parmi eux, certains qui vont jusqu'à jurer par le nom de ces awliya. Quand ils sont vraiment véridiques, ils jurent par le nom du wali. Et si quelqu'un veut vraiment entendre une part de sa part, si jamais il jure par Allah, il n'accepte pas. Il dit, je veux que tu jures par le wali fulain. Enfin, je sais que pour toi, en fait, t'as plus de ta'zim pour lui que pour Allah. Donc, si jamais quelqu'un dit, Wallah, j'ai pas fait ça, il dit, Bil wali fulani, kaza kaza, il dit, ah, c'est que là, tu es véridique. Et ça, c'était justement le cas des adorateurs des Asnam. Quand Allah, dans le sens où il dit, et si Allah est cité seul, frémissent les cœurs, on va dire frémissent, Ishma Azzat. À la base, Ishma Azzat, c'est comme avoir de la chair d'épaule. On va dire frémir, comme ça, les cœurs de ceux qui ne croient pas en l'au-delà. Et si jamais on cite ceux qui sont en dehors de lui, en dehors d'Allah, alors les voilà qui se réjouissent. Quand tu es à la salle, ils ne sont pas contents. Et quand tu cites les Aouliers, les Shuraka, là, ils se rassurent, ils sont contents. Adam Isha'nihim. قال وفي الحديث الصحيح من حلف فليحلف بالله أو ليسمت وسمع صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف يحلف Peut-être qu'il y a différentes lorah, Allah alam, là ce que je me rappelle c'est Yahlifo. Faqala samia Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam rajulan Yahlifu billat fa amarahu an yakul la ilaha illallah. Donc le hadith authentique qui était rapporté, qui est muttafaqun alayhi, selon Ibn Omar, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui jure, alors qu'il ne jure pas Allah, ou qu'il se taise. Et qu'une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait entendu un homme jurer par Allat, alors il lui a ordonné de dire « La ilaha illallah » de refaire la shahada. Et ce hadith-là, lui également, « Muttafaqun Ali » de Abu Huraira. « Qala al-mu'allif, wa hadha yadullu ala annahu irtadda bil-halif bil-sanam, fa'amarahu an yujaddida islamahu, fa'innahu qad kafara bi-dhalika kama qararnahu fi subul al-salam, sharh bulugh al-maram, wa fi minhat al-ghaffar. » Donc pour l'auteur, il dit cela démontre quoi ? Que celui qui a juré par autre que Allah a apostasié en jurant par l'idole. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de renouveler son islam. Regarde bien. Là, il a dit « Ujadidu l'islam fi ma'a ridda ». Donc c'est pas pour celui qui rentre en islam. Là, lui-même, il le dit « Tajdid l'islam, c'est pour le murtad ». Parenthèse, c'est une parenthèse. Car il dit qu'il a certes mécru en jurant par Allat, comme nous l'avons bien démontré, nous l'avons affirmé dans Subul al-Salam, qui est le char de Bulugh al-Maram. Donc là, tanbih par rapport au kalam du Mu'allif, c'est qu'en fait, le fait de jurer par autre que Allah, il y a un tafsil. C'est pas à l'itlaq. Celui qui jure par autre qu'Allah, il a fait du kufr. Il y a kufr akbar, il y a kufr asrar. S'il fait un ta'zim pour le mahlouf bih, c'est pourquoi il jure. Là où ta'zim, comme il fait un ta'zim pour Allah, là, na'am. Là, c'est le kufr akbar. Et sinon, c'est le kufr asrar. Et ça, c'est des choses que disent les mu'alliqin en dessous, là, dans le livre, comme Cheikh Ismail al-Ansari et Cheikh Rajihi. C'est ça qu'ils disent. Et ça, c'est ma'rouf. Et Cheikh al-Ansari précise « Wa ma'loum annama yaka'u min al-sahaba fi dhalika lisa la sabi l'qazd wa innama huwa min sabak al-lisan » فأمره من وقع منهم في ذلك بقول لا إله إلا الله من باب الكفارة لا من باب تجديد الإسلام. Cheikh Al-Ansari dit que ce qui est arrivé des Sahaba dans ce genre de situation, il est certain que c'est une chose qui était due, comme on l'avait expliqué avant, par coutume, par habitude, et non pas par intention. Ils n'ont pas juré par autre que Allah intentionnellement. C'est juste une chose qui sortait de leur langue comme ça, à cause de ce qu'ils avaient l'habitude de faire auparavant. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit de dire la ilaha illallah en guise d'expiation et non pas en guise de retour vers l'islam. Car ce n'était pas du kufr akbar qu'ils ont fait. Car en jurant par Allah, il n'a pas fait un ta'zim. Ce n'est pas arrivé des sahaba, ça. Abadan. Ou plutôt, on dira kot. C'est quoi la différence entre kot et abadan? Les deux sont des zorf. Tu utilises kot pour le passé. Et tu utilises abadan pour le futur. Tu dis, mathalan, ma fa'altu hadha kot. J'ai jamais fait ça. Tu dis à quelqu'un, la tafal hadha abada. Ne fais jamais ça. Ou l'en tafal hadha abada. Tu ne le feras jamais. La différence, abadan, les deux ont le même sens. Seulement, en as un, il s'utilise pour le mardi, kot, et l'autre pour le présent ou le mustaqbel, qui est abada, abadan. Et des fois, par habitude, pareil, on sort des fois, wallah ma faltu hadha abadan. J'ai jamais fait ça. L'habitude. Mais en vrai, c'est du lahn. Le vrai sens à dire, le mot à dire, c'est kat. Donc les sahaba n'ont jamais fait cela intentionnellement. Mais ils l'ont fait, comme il a dit Sabak al-Lisan, c'est-à-dire que ta langue t'a devancé. T'as voulu dire une chose, t'en as dit une autre à la place. Ça arrive beaucoup dans les doulos, ça. Faire attention, même des fois, dans le ders, on part, on dit une chose, en fait, on veut en dire une autre, et ta langue, elle te devance, elle dit, on prononce le mot. Et t'as des gens, des fois, ils sont un petit peu, comme on dit, khafif al-aql. La raison, elle est un peu réduite. Et ils t'en font v'là des montagnes, des erreurs. Tu as dit ça, c'est une erreur. Tu dis, non, mais c'est vrai. En fait, je vais dire autre chose. C'est-à-dire, ce que tu dis là, je sais qu'à la base, ce n'est pas ça qu'il faut dire. Mais je l'ai dit involontairement. Et on a dit, oh, faut que tu fasses toba, faut que tu fasses kaza et kaza. Tu dis, ah, il s'abat qu'elle dit ça, hein. Ça arrive à tout le monde. Ils appellent ça un lapsus, je crois, en français. C'est ça? Ah ouais. Tu dis, moi, dans mon cœur, dans ma tête, je sais très bien que ce que je voulais dire, c'est ça et ça et ça, mais ma langue m'a devancé, elle a dit autre chose. Donc, faire attention des fois avant de dire aux gens, ils ont fait une erreur, dit, vérifie que c'est pas un sabbat kalisan qui lui est arrivé. Par exemple, quelqu'un, il va dire, Allah a envoyé Moussa au Quraysh. Il dit ça comme ça. Nous, si on a fait un musulman, on sait très bien qu'il a voulu dire Mohammed, et sa langue, elle a devancé, il a dit Moussa. Tout le monde va dire, non, il a dit Moussa, A'udhu Billah, il connaît rien, c'est un jahil, c'est un kaza, c'est un kaza. Il dit, ah, c'est un sabbat kalisan, ça arrive à tout le monde. Ils vont faire des montagnes avec ça. Foulen, il a des erreurs dans l'arqida, quoi. Il a dit Moussa à la place de Mohammed. On dit, ah, calme-toi. Habba, habba, va doucement. C'est ton frère, tu le connais à l'arrière là-bas, trouve une excuse dans cette situation-là. Surtout une erreur comme ça, ah, c'est marlouf. Même les koufa, ils savent que c'est Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui est envoyé. Même c'est pas Moussa, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des erreurs, on se dit que c'est pas possible que quelqu'un l'ait faite. Donc on se dit, sûrement sa langue, elle a devancé. ثم قال فإن قلت لا سواء فهؤلاء قالوا لا إله إلا الله. Là, il va citer des choubouhats, comme on l'expliquait, qui sont même présents dans Keshf et Choubouhat, que les mouchikoun utilisent pour défendre ceux qui disent La ilaha illallah, qu'on ne peut pas les toucher. La ilaha illallah, pour eux, c'est une kalima, elle te garantit à vie. On ne peut rien faire une fois que tu l'as prononcé. On dit non, mawa kaza. Et là, il va en parler. قد قالوا لا إله إلا الله وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وقال لأسامة بن زيد أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله وهؤلاء يصلون ويصومون ويزكون ويحجون بخلاف المشركين. Donc si jamais ces gens te disent eux là c'est mouchidikoun que vous accusez, plutôt c'est Kouburiyoun que vous accusez. Ce sont des gens qui disent La ilaha illallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent La ilaha illallah. Et s'ils disent La ilaha illallah, alors ils seront protégés, du moins leurs biens seront protégés ainsi que leur vie de moi. Hormis dans son droit. C'est-à-dire le droit de l'islam. Car des choses qu'ils font en islam, des fois on peut te tuer ou prendre tes biens. Un exemple depuis. Qui, en islam, même s'il dit la ilaha illallah, c'est un musulman, autre que le shirk, hein. On peut le tuer. Ou prendre ses biens. Zani. Aïwa. Qui également? Qui peut être exécuté, alors qu'il a dit la ilaha illallah et c'est un musulman. Il n'a pas fait de shirk. Mais on l'exécute. Qui, par exemple? Là, il a dit zani, fornicateur. Nam. Le mursin, celui qui a connu le mariage. Vous précisez. Qui d'autre, également? En islam, on l'exécute. Celui qui a tué une personne. Celui qui a tué un musulman, amdan, volontairement. Allez, voilà. Et qui également? Louti. Louti, Allah, le mot louti, il y a eu un khilaf par rapport au mot louti. Tamam. Plein de ulama, ils le disent louti, pour dire homosexuel. Et c'est une chose sur laquelle c'est un istilah. Mais il y a des ulama comme Cheikh Bakr Bouzaïd. Je crois que c'est lui ou Chankriti, je suis obligé de chacun des deux. Je crois que c'est Chankriti plutôt. Il a fait un bahth sur le sujet, une recherche, et il a dit et ce qu'on appelle Al-Lawat, c'est l'acte d'homosexualité. Il a dit ça existe ça. Mais l'autre attribue ça à l'autre, c'est une chose à laquelle les gens sont habitués, que beaucoup de ulama, ils ont vu. Mais il dit, en réalité, moi je le voyais aussi ce qu'on a, et en réalité je me rends compte qu'en fait, non, faut pas. Il a dit qu'en fait, c'est un nox dans El Nabi Lot. Il dit un exemple, et ça c'est un argument fort qu'il a donné. Il a dit un exemple. Qui aujourd'hui appelle son fils Lot? On connaît. Il a dit à ma connaissance, et même moi à la mienne, je connais personne qui appelle son fils Lot. Pourquoi? Car à cause de ce mot-là, ça fait fuir les gens. du nom l'autre. Et l'autre, c'est un nabi. C'est un nabi, c'est même un rasoul, je crois. Donc il est dit, à cause de ça, ça fait que les gens, dans leur cœur, ce nom, a perdu de son rang. Donc il a dit, c'est mieux de ne pas l'employer. De dire, taf'al fir comme l'autre. Tu commets ce qu'ont commis les gens du peuple de l'autre. Mais l'autre, il a dit, c'est mieux de délaisser. Et je vois que ce qu'on a, en vrai, au début, je voyais le contraire, qu'on pouvait le dire, mais en vrai, ce qu'on a, je vois qu'il est meilleur. On ne peut pas dire l'autre. Tu dis, Yamel, Amel pour l'autre, comme l'autre. Oh, Yamel, Lawat. Allah Alam. Donc, pour revenir au Shahid, également, l'auteur, il a dit, et que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Oussama Abou Zayd, est-ce que tu l'as tué? Après qu'il ait dit La ilaha illallah, c'est-à-dire que Oussama Abou Zayd a tué un homme lors d'un combat, il le poursuivait lui, un Ansari, un homme des Mouchidrines. Lorsqu'ils l'ont rattrapé, il a fait la shahada. L'Ansari, il a laissé tranquille. Et Oussama, il l'a tué avec sa lance. Une fois arrivé à Medina, en fait, sallallahu alayhi wa sallam a informé de cela. Il lui a dit, tu l'as tué. Après qu'il ait dit La ilaha illallah, et Oussama, il a dit, Qalahat a'ouzan. Il a dit pour se protéger, parce qu'il avait peur de moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cessé de lui répéter la chose pour le blâmer. À tel point qu'il a dit quoi à Oussama? Il a dit, Tamannaytu an akun lam. J'aurais aimé ne pas m'être soumis à l'islam avant ce jour-ci, tellement il s'est sorti mal. Donc, pour revenir à la choubouette, ces gens-là, ils disent, vous dites ça de ces gens-là, qui disent la ilallah, qui font la salat, qui font le siyam, et qui donnent la zakat, qui font le hajj. Donc, les mouchriki ne le faisaient pas. Donc, comment vous les comparez? C'est ça, leur choubouette. Quand même. Donc, l'auteur, il répond en disant, قلت قال النبي صلى الله عليه وسلم الا بحقها parmi dans son droit. Le fait de dire la ilaha illallah, elle te préserve parmi son droit, ce qu'on a cité là actuellement là, que tu peux exécuter des gens. Et d'autres droits, celui qui ne l'applique pas, il peut dire la ilaha illallah mais ne l'applique pas. Donc lui, son droit, c'est quoi? C'est murtad. Même s'il dit la ilaha illallah, il apostasie. Et là, il donne des exemples de gens qui ont été combattus ou bien en ridda ou bien en had, soit en sentence, sanction, il n'est pas mort kafir, mais c'est une sanction comme le zani, ou alors en ridda, comme par exemple, qui va être cité maintenant. Il dit, qala sallallahu alayhi wa sallam illa bihaqqiha, wa haqquha ifradu al-ilahiyya wal-ubudiyyati lillahi ta'ala. Wal-kuburiyun lam yufridu hadhi al-ibadah, falam tanfa'uhum kalimat al-shahada. Donc il dit, c'est quoi le haqq de la ilaha illallah? C'est unifier Allah dans la divinité, dans l'adoration. Et les Kubuliyoun ne l'ont pas fait. Donc le fait qu'ils disent la ilaha illallah, ça n'en sert à rien du tout. قال فإنها لا تنفع إلا من التزم معناها ولم ينفع اليهود قولهم لإنكارهم بعض الأنبياء وكذلك من جعل غير من أرسله الله نبيا لم تنفعه كلمة الشهادة. ألا ترى أن بني حنيفة كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ولكن قالوا إن مسيلمة نبي فقاتلهم الصحابة وصبوهم. Donc il dit, مثلا اليهود, il dit celui qui ne se tient pas au sens de la إله إلا الله, elle ne sera rien. مثلا اليهود, ils ont dit la إله إلا الله, mais ne leur servait à rien. Pourquoi? Car ils ont renié certains anbiya, comme Isa alayhi salam, mathalan. Les Yahoud, ils disent la ilaha illallah. Ils ont renié Mohammed. Ils ont renié Isa et d'autres qu'ils ont tués. Donc la ilaha illallah ne leur servait à rien. Il dit également ceux qui ont attribué la prophétie à autre que les messagers qu'Allah il a envoyés. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier des prophètes et des messagers. Il n'y en a pas d'autres après lui. Et bien là, il cite que Banu Hanifa, qui étaient des musulmans, qui disaient la ilaha illallah, ils faisaient la salat, ils faisaient le hajj, ils faisaient tout. Les sahaba, ils ont combattu quand ils ont dit Moussa ilema, c'est un prophète. Et ça, c'était après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils ont démenti le Coran. Qala ta'ala, Mohammed rasulullah, wa khatima al-nabiyyin. Que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le message d'Allah, et le dernier des prophètes. Donc celui qui vient qui dit non, lui c'est un prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Takzib le Coran. Il a dit moi c'est le Coran. Ou takzib le Coran ou kufr. Donc la ilaha illallah ne leur a servi à rien. Leur salat ne leur a servi à rien. Le hajj ne leur a servi à rien. Également, les gens à l'époque d'Abou Bakr qui n'ont pas donné la zakat, qui ont refusé de la donner la zakat. Juhoudan, ils ont dit non, il n'y a plus besoin. On l'a donné à Mohamed, mais on ne la donne plus. Il a fait quoi, Abou Bakr? Il les a combattus. Même Omar a dit, tu vas les combattre, alors qu'ils ont dit la ilaha illallah. Eh bien, ce qu'ils ont fait, c'est la ridda. Ça ne leur servait à rien. Parmi eux, certains sont revenus et d'autres sont morts sur le couf. Donc la ilaha illallah, elle a des chourotes, des conditions. Celui qui ne les remplit pas, il a beau la prononcer nuit et jour, matin et soir, elle ne lui sert à rien. Juste des termes qui courent sur la langue, mais le cœur, il en est vide. Ou partiellement, ou totalement. قال فكيف من جعل للولي خاصة الإلهية ويناديه للمهمات. Donc que dire de celui qui a donné au wali des particularités de la divinité qui est Allah et qui l'appelle lors de la détresse. قال وهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه حرك أصحاب عبد الله بن سبأ وكانوا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله ولكنهم غلوا في علي رضي الله عنه واعتقدوا فيه ما يعتقده الكبريون وأشباههم. Donc il a dit quoi? Le chef des croyants qui était Ali رضي الله عنه à son époque, il a tué, mais il a brûlé les partisans de Abdullah ibn Sabah, qui était lui-même un juif qui est entre en islam en apparence, qui était le précurseur du madhab de Tashayyur, des chiites et de Rafida. C'est lui. Il disait la ilaha illallah. Il disait Muhammad Rasulullah. Mais il s'est passé quoi par la suite? Ils ont exagéré dans la personne de Ali. Et sont mis à avoir une croyance en lui de ilahiyya. Comme le font les Kouboulioun avec leur awliya. Donc qu'est-ce qu'il a fait à Ali? Il a creusé les trous et les a brûlés. Il les a tués en les brûlant. Abdullah ibn Sabah, il a pu se sauver, lui. Il s'est sauvé. Il n'a pas réussi à l'attraper. Les autres, il les a attrapés et les a brûlés. Ça, c'était une erreur de sa part. Les tuer était réel. Mais la façon de les tuer était incorrecte. Car on ne tue pas, on ne brûle pas. Le fait de brûler, c'était pas permis. Al-Muhim, le shahid de cela, c'est que l'auteur veut faire comprendre que Ali a tué des gens qui disaient « La ilaha illallah » et qui faisaient la salat, qui donnaient la zakat, qui faisaient le hajj. Mais quand ils ont eu un khalal dans leur aqidah, ils ont mis des statues de la divinité à une créature, Ali les a brûlés, les a tués, et a vu leur kufr. Summa qal, après c'était des vers de poésie, pareil, je ne pourrais pas le traduire. À part le premier, il dit « Lama ra'aytu l'amru amra munkara, ajjajtu nari wa da'atu kanbura » que Ali, ça c'est des vers de Ali, il a dit quoi? Lorsque j'ai vu la chose devenir trop grave, c'est-à-dire le mal est trop grand, alors j'ai préparé des feux et j'ai appelé Kunbur. Kunbur, c'était son esclave, je pense. Pourquoi? Pour ramener ces gens-là et les brûler. Soumakol, après on croit pas après là, ici. Wal-qissa fi fath al-bari wa ghayri min kutub al-hadith wa-sayr. وقد وقع إجماع الأمة على أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله فكيف بمن يجعل لله ندة. Donc il y a eu l'ijma de la umma que celui qui renie la résurrection, il a mécru, il doit être exécuté. Alors que dire de celui qui dit, même s'il dit la ilaha illallah, voyez, même s'il dit la ilaha illallah, alors que dire de quelqu'un qui aurait donné un égal à Allah? C'est quoi le plus grave? Ah, ma wal ashad. An tunkir al-ba'th aw tajalilla nidda. De renier la résurrection et de donner un égal à Allah. C'est quoi le pire? Ben, c'est ça qu'ils font. En faisant l'adoration pour que pour Allah, même si c'est une adoration ou une qui voit petite, ils l'ont fait. En faisant cela, ils ont fait du tandid, ils ont donné un égal à Allah. Donc ça, c'est de la mécréance. Non, mais il y en a un qui est plus grave que l'autre. Après le shirk et la mécréance, des fois, ouais, t'as des choses qui sont plus graves que l'autre. قال فإن قلت قد أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أسامة قتله لمن قال لا إله إلا الله كما هو معروف في كتب الحديث والسير. Donc quelqu'un pourrait te dire, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a blâmé Oussama, il veut qu'il ait tué quelqu'un qui a dit « La ilaha illallah » comme cela est connu. Donc là, il est avec une chebouette. Il dit « Kultu, la shaka anna man qala la ilaha illallah, min al-kuffar, huqina damuhu wa maluhu, hatta yatabayyan minhu, ma yukhalif ma qalahu. Walidha anzala Allahu fi qissatihi, ya ayyuha alladhina amanu, idha darabtum fi sabilillah, fatabayyanu. » فأمر الله تعالى بالتثبت في شأن من قال كلمة التوحيد فإن تبين التزامه لمعناها كان له ما للمسلمين وعليه ما عليهم وإن تبين خلافه لم يحقن بمجرد تلفظ ماله ودمه. وكذلك il ne fait aucun doute que celui qui dit la ilaha illallah parmi les kuffar, alors là après qu'il a dit cela c'est bien et sa vie sont préservées. Juste à ce qu'il nous apparaisse quelque chose qui s'y oppose à cela, et la ilallah. C'est pour cela que Allah dans le Coran, dans l'histoire de Oussama ibn Zayd, le verset est descendu, où Allah dans le sens où il dit « Oh vous qui avez cru, si vous êtes santé, c'est-à-dire en jihad, alors assurez-vous bien. » Assurez-vous bien de quoi ? La suite du verset. La suite du verset, c'est « Qala ta'ala » وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامُ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُوا عَرْضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرًا. Il dit, ne dites pas, c'est-à-dire vérifiez bien, si quelqu'un vient vous dire assalamu alaikum, ne dites pas, t'es pas muslim, avant de le tuer. Quand même. Mais vérifiez bien, avant, qui il est. Ce verset descendu comment ? Ibn Abbas, il a dit quoi ? Dans le Bukhari, c'est cité là. Sabab al-Nuzul, la cause de la descente. Ibn Abbas, il a dit quoi ? Qu'à l'époque, il y avait des koufars qui avaient du butin de guerre. Et lorsque les musulmans les rencontraient, ils disaient « Assalamu alaikum » pour se préserver. Quand même, donc les musulmans, ils faisaient quoi ? Ils le tuaient. Et ils prenaient sa ranima, tout son butin, avec eux. Donc Allah a sorti le verset pour dire « Vérifiez bien. » Car parmi eux, certains, peut-être, ils sont sincères. Ils ont dit « La ilaha illallah » sincèrement. Donc Oussama, c'est ça qu'il a eu. Il a cru que cet homme-là avait dit cela pour se préserver. Donc le verset est descendu pour dire « Fatabayyenu ». Faites attention avant de tuer. Vérifiez bien que ce n'est pas un musulman que vous êtes en train de tuer là. Car certains musulmans voulaient faire cela pour tuer le kafir et prendre le butin de guerre avec lui. Donc Allah nous a ordonné de vérifier, de nous assurer que c'est bien musulman. Et qu'il se tient bien à ce qu'il a dit comme parole. Si jamais il a dit la parole La ilallah, alors il a le droit des musulmans. Ce que les musulmans ont droit, il y a droit lui aussi. Et par contre, si jamais on voit le contraire, une chose qui s'oppose à ce La ilallah, alors le simple fait qu'il est prononcé ne préserve pas ses biens et son sang. Il n'est pas rendu, ses biens et sa vie. Le simple fait de le prononcer sans s'y tenir ne suffit pas. Ça ne fait pas de lui un musulman. Là, donc, oui, le paragraphe. Donc là, Oussama ibn Zayd. Donc c'est quoi qu'il veut dire avant ça, Shahid ? C'est que Allah ne t'a jamais dit de ne pas les tuer dans l'absolu. Il a dit tabayyenu. C'est-à-dire vérifie. Donc si jamais le fait de le tuer dans l'absolu était interdit, où l'intérêt de dire tabayyenu ? Il aurait dit l'attaque. Donc tabayyenu dans le fait qu'on sait qu'il y a des gens qui jouent, qui se cachent, qui disent la ilaha illallah pour se préserver. Donc si jamais on voit que tu as une preuve qui te montre qu'il a voulu se préserver, mais qu'en vrai la parole il ne la croit pas, lui tu peux le tuer. Donc ça c'est un rôle de ces gens-là qui disent que le fait de dire la ilaha illallah, c'est fini, on peut rien te faire. On dit non. Et même l'histoire de Oussama, c'est pas une hujja pour vous. Juste ce qu'il vous a demandé, c'est de vous assurer qu'il est bien musulman. Enfin, même qu'il est bien musulman. S'il ne l'est pas, alors le tuer est permis. Avec les chouroutes, bien entendu. Thumma qala, on finit avec ce paragraphe. وَهَكَذَا كُلُّ مَنْ أَظْهَرَ التَّوْحِيدُ وَجَبَ الْكُفْرُ عنه إلى أن يتبين منه ما يخالف ذلك. ولم تنفع هذه الكلمة بمجردها اليهود، ولا نفعت هذه الكلمة الخوارج مع من ضم إليها من العبارة التي يحتكر الصحابة وعبارتهم إلى جانبها. Celui qui fait part de Tawhid, on doit le délaisser. On ne touche pas. Juste parce qu'on voit une chose qui s'oppose à cela. Et le fait, le simple fait de dire La ilallah, La ilaha ilallah, ne sert à rien en soi. Comme cela ne servait à rien aux Yahoud. Et ne servait à rien aux Khawarij. Qui pourtant faisaient des grandes ibadah, à tel point que les Sahaba, négligeaient ou se sous-estimaient à côté des ibadah des Khawarij. قال بل امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلهم وقال لئن ادركتهم لقتلنهم قتل عاد لقتلنهم قتل عاد وذلك لما خالفوا بعض الشريعه وكانوا شر القتل تحت اديم السماء كما ثبتت به الاحاديث صلى الله عليه وسلم a ordonné de tuer les khawarij. Il a dit si jamais je les rattrapais, je les tuerais certainement comme Ad ont été tués. Et cela pourquoi? Quand ils sont mis à s'opposer à certaines choses de la charia. Et il a bien dit qu'ils étaient les pires des morts sous les cieux, on va dire. C'est-à-dire sur terre, les pires des morts, c'est les morts des Khawarij. Comme cela est venu dans plein de hadiths. Donc là, il y a un khilaf par rapport aux Khawarij. Certains les voient koufar, d'autres non. C'est-à-dire, voilà, ma, qui voit que les Khawarij sont les koufar. D'autres non. Les Sahaba, mais ils ne voient pas que c'est les koufar. Ali a combattu les Khawarij. Pourquoi? Du fait qu'ils ont tué les muslimines, donc pour arrêter leur mal, il les a combattus. Mais il ne les a pas combattus ridda, il les a combattus haddan, pour stopper leur mal. C'est-à-dire que même le muslim, même il n'a pas fait de shirk, pour te dire, il ne fait pas de shirk, ni de kouf, il dit la ilaha illallah, il fait salat, il fait le hajj, mais il fait un mal, et qu'il ne s'arrête pas, on le combat. Par contre, on ne prend pas ses biens, en butin. Ali, radiallahu anhu, n'a pas pris des biens des Khawarij en butin, n'a pas pris leurs femmes, leurs enfants comme esclaves. Il les a tués pour stopper leur mal. Mais lui-même disait que ce n'était pas des koufars, ni des munafiquins. Il y a des ulama, ils voient que c'est des koufars, des munafiquins. Et là, l'auteur, comme Cheikh Mohamed Abdel Wahhab, il vient avec la même choubouhette, dans quel choubouhette, on dirait qu'eux, ils voient leur kouf. On dirait qu'eux, ils voient leur kouf, Allah alam. On ne peut pas en dire plus. فقال فثبتان مجرد قول كلمة التوحيد غير مانع من ثبوت الشرك من قالها لارتكابه ما يخالفها من عبارة غير الله. Donc le simple fait de dire la ilaha illallah n'est pas une chose qui empêche d'affirmer le shirk pour celui qui l'aura fait. Celui qui aura fait du shirk autre que Allah, même s'il dit la ilaha illallah, cette phrase ne l'empêche pas, plutôt nous empêche pas de dire que lui il avait du shirk, c'est un mushrik. Comme le pensent ces gens-là, c'est Joël. Ils disent, il a dit la ilallah, khalas. S'il dit la ilallah, ça ne peut pas être un mushrik. On dit non, c'est pas vrai. Il peut dire la ilallah, ça peut être un mushrik. Comme le font des kouburiyoun. Donc là, c'est le texte d'aujourd'hui. On a appris quoi? Que le fait de dire la ilallah n'est pas une garantie de ta aqidah. En apparent, l'arkoum alaka bidhahir. Que tu es un musulman. Le jour où on voit une chose de toi qui s'oppose à la ilaha illallah, de shirk ou de kouf, tous ta table, au moment de faire tawbah, tu persistes, nahkum alayk, même bil kouf. Et après, si jamais c'est un amir, il y a un khalif qui est là, chef des mu'min ou de l'empire d'islam, il y a sharia, tu es exécuté. Et tu es exécuté comment? Ridda, tu es un apostat. Donc tes enfants n'héritent pas de toi, et tes biens sont pris. On ne veut pas la salle sur toi, on fait un trou, pour que ton odeur elle dérange les gens, on te jette dedans et on a terminé. Là, c'était le dernier d'aujourd'hui par rapport à ça, que la ilaha illallah n'est pas une garantie. Mais que nous, on juge sur l'apparent. La fuma'ala. Allez, faïla huna. Walhamdulillah rabbil alamin.